Bon, je suis Boubacar Birobari, représentant de la société civile guinéenne à la foire du CFSI. Je suis arrivé là à travers le syndicat, représentant les consommateurs. Je suis donc responsable chargé des revendications, négociations et conflits au niveau de la CNTG. Entendez par la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, qui est la centrale syndicale la plus ancienne. Et je suis aussi responsable des négociations et conflits également de l'intercentrale syndicale de Guinée, négociateur principal. L'intercentrale syndicale regroupe les quatre plus grandes centrales syndicales du pays, à savoir la CNTG, l'USTG, l'ONSLG et l'UDTG. Donc c'est à ce titre que... Et il faut préciser que le syndicat guinéen est une composante de la société civile. Et à ce titre, ma centrale siège au bureau exécutif de la CNTG. Donc c'est à ce titre que je représente la société civile. Et du point de vue démembrement, je suis président également de la société civile de la commune de Ratoma, qui est un démembrement du CNOSC, du Conseil national des organisations de la société civile de Guinée. Voilà. D'accord. Merci pour cette présentation exhaustive. Donc maintenant, par rapport à la situation en Guinée, donc on a vu à la télévision, ça a été rappelé par vous-même et par votre collègue, donc de 200 personnes au moins qui ont été tuées le 28 septembre 2009. Donc qui étaient, j'ai envie de dire, qui étaient ces personnes, des militants, etc. Voilà. Merci. C'était des militants de partis politiques, des militants de syndicats et des membres de la société civile guinéenne. Vous avez dû entendre parler des forces vives, du Forum des forces vives de la nation guinéenne, qui comprend notamment les partis politiques, les syndicats, les huit centrales syndicales que compte le pays, la société civile à travers toutes ses composantes, les deux confédérations patronales que compte le pays, les coordinations des SAGE des quatre régions naturelles. Voilà, donc c'est ces citoyens. Membres de ces différentes structures qui ont été massacrés, qui ont été bâillonnés, qui ont été humiliés, qui ont été violés, qui ont été tués. Quel a été l'événement déclencheur, pardon, de ce nouveau mouvement de la société civile? L'élément déclencheur a été l'éventualité de la candidature du chef de la junte. Lorsqu'il a pris le pouvoir, il a promis sur tous les toits et sur tous les cieux qu'il ne se présenterait pas à des éventuelles élections présidentielles consacrant le retour à l'ordre constitutionnel. C'est d'ailleurs l'essentiel de la raison pour laquelle il a été accompagné par... le mouvement social et le mouvement politique à travers la société civile et les partis politiques. Tout le monde l'a acclamé, tout le monde l'a salué. Parce que nous nous sommes dit qu'en tout état de cause, étant donné que une alternance politique n'avait pas été préparée par l'ancien Konté, après sa mort, c'est naturellement les militaires qui viendraient au pouvoir. Donc, à l'entendre parler, nous avons estimé qu'on a eu le militaire qu'il nous fallait et qui nous fait profiter d'une opportunité dont nous avons soif. C'est des élections libres, indépendantes et transparentes. Donc, c'est ce qui a fait que dès le départ, Nous avons accompagné pour défendre le dossier Guinée au niveau de tous les partenaires. Moi-même, j'étais au niveau de la CEDEAO pour défendre le dossier Guinée et dire, demander à ces institutions de se limiter à la condamnation formelle. Donc, si la junte a été caressée, a été côtoyée jusqu'à maintenant, c'est grâce au mouvement social et au mouvement politique guinéen. Mais étant donné que le chef de la junte a renoncé à tous ses engagements, donc nous nous sommes opposés pour dire que nous refusons sa candidature parce qu'avec sa candidature, nous ne connaîtrons ni élection libre et transparence, ni paix. Parce que s'il organise les élections, il va se faire élire. Et s'il manipule, il tripatouille les élections, il y aura des affrontements. Donc c'est pour parer au plus près cette crise que nous avons organisé cette rencontre au stade du 28 septembre en tenant compte de la date du 28 septembre 58 qui a consacré une protestation, une réclamation de l'indépendance à travers un référendum. Et le cadre le plus approprié, nous avons estimé que c'était ce stade-là qui est un temple historique. Et c'est là que les gens ont été massacrés pour avoir commis le seul crime de dire non à la dictature, non à la violation des droits humains. Et depuis ce 28 septembre, donc c'est une date assez proche, comment la société civile envisage-t-elle bien de résister, puisque on peut parler de résistance? Oui. D'abord, la société civile, en tant que membre du PCPA, PCPA Guinée, effectué une mission dans le cadre d'un comité de pilotage du projet à Paris. Et à l'occasion, nous avons rencontré les autorités françaises à tous les niveaux, l'Assemblée nationale, le Quai d'Orsay et l'Élysée, avant les événements, pour donner notre point de vue par rapport à l'intention du chef de l'agent de se préparer, de se présenter aux futures élections. Donc, nous n'avons jamais caché notre position, c'est que, et nous avons toujours plaidé en faveur de la mobilisation de la communauté nationale et internationale pour barrer la route à la dictature, une fois de plus. Et il est important de vous rappeler que cette société civile et cette intercentrale qui, après une unité d'action, ont décidé de la mise en place des forces vives en faisant le porte-à-porte auprès des leaders politiques. Donc, la société civile est plus que engagée à ne pas accepter ce dictat. Heureusement que la France a donné le ton et la France a mobilisé la communauté internationale, a accompagné la société civile et les forces vives guinéennes. Donc cela nous comble à plus d'un titre. Alors à propos justement de la France, la France-Afrique, etc. Comme souvent souvent en Afrique de l'Ouest, quand la France se retire, c'est d'autres puissances étrangères qui commencent un petit peu à s'approcher. Oui. Donc là, par rapport à la Guinée, est-ce que les pays anglophones, la Chine, je ne sais pas, quelle est la situation? Est-ce qu'on a vraiment une sorte d'unité internationale qui condamnerait la junte et qui permettrait d'avoir une sorte d'espoir que la pression extérieure puisse vraiment soutenir cette pression intérieure? C'est le lieu et le moment de vous dire qu'au niveau de la pression internationale, il n'y a aucun problème, aucun signe de faiblesse. La France, pour une fois, si elle a été par le passé accusée de laxisme dans sa prise de position face aux problèmes dans les pays francophones, c'est le cas du massacre qui a été organisé en janvier 2007 en Guinée. Mais cette fois, la France a été la première en première ligne pour mobiliser la communauté internationale Et j'avoue qu'à date, je n'ai pas appris qu'un seul pays s'est retracté face à cette pression-là. Donc il y a une cause commune, ça, nous devons ça à la France, il faut reconnaître. Aujourd'hui, on est très fiers de la France, parce que c'est elle qui a donné le ton en prenant des mesures allant dans le sens de geler les relations, comment on appelle ça, les accords militaires, vraiment avec des positions très fermes. Très ferme, parce que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, la Guinée étant une ancienne colonie de la France, dès qu'il y a un problème, le premier regard porte sur la France. Mais cette fois-ci, réellement, elle a été responsable, ça il faut le reconnaître. Et au niveau de la communauté internationale, il n'y a aucune faille, il y a une unanimité totale, même de la part de la Chine. D'accord. Voilà. Et souvent en Afrique, donc je pose un petit peu des questions naïves, mais néanmoins en ayant une certaine connaissance, parfois des anciens militaires, des mercenaires français appuient logistiquement ou parfois même physiquement les forces militaires en place dans le cas de la Guinée. Là, actuellement, on en est où? Est-ce qu'il n'y a pas... Non, je n'en ai pas. Bon, moi, en dehors du Comore, du Bénin, à un moment avec Bogdenar, bon, je n'ai pas connaissance que cela ait été fait en Guinée. Mais ce qu'il faut craindre en Guinée aujourd'hui, c'est la persistance des relations très intimes que les militaires guinéens ont eues avec les rebelles dans les pays frontaliers comme la Sierra Leone, le Libéria et la Côte d'Ivoire. Donc il faut craindre que cela ne fasse tache d'huile. Et il faut aussi préciser qu'il y a eu effectivement l'incorporation de ces rebelles dans les forces de sécurité guinéennes qui ont réprimé. Parce que deux ont été au moins reconnus par un des leaders politiques qui est originaire de la forêt. Et je vais nommer M. Jean-Marie Doré qui les a reconnus. Parce que Conté a utilisé ces gens à un moment donné contre l'opposition. Donc ils ont été reconnus. Donc le danger le plus imminent aujourd'hui, c'est que si on y prend garde, l'insécurité en Guinée risque de déstabiliser toute la sous-région à travers les pays limitrophes. Et ce chef de la junte aujourd'hui a pour point d'appui justement ces anciens rebelles de l'Ulimo qui malheureusement sont basés à Zérékoré en Guinée et à Macenta parce que là ils ont des liens sociologiques avec certaines populations guinéennes. Voilà. D'accord. J'aimerais aborder maintenant quelque chose qui est souvent lié aux politiques, et notamment dans le cadre de l'Afrique. Donc c'est par rapport à l'économie. Donc la Guinée exporte des diamants, me semble-t-il. Voilà. Donc par rapport à ces exportations, hein, qui généralement est la grande richesse échappe au peuple, ouais. J'aimerais savoir si vous pouvez en dire plus, en quoi ça peut être une source de pression, en quoi la junte actuelle, le pouvoir économique en place, est lié aux puissances étrangères, car j'imagine que c'est via des puissances étrangères que ces exportations ont lieu. Bon, la Guinée, comme tant de pays africains, a toujours souffert de la mauvaise gouvernance. Mais si hier il y avait mauvaise gouvernance, aujourd'hui il y a non-gouvernance. Ce qu'il faut craindre aujourd'hui, c'est justement des relations de ce genre dans le cadre des exploitations minières avec des multinationales qui sont en intelligence avec des rebelles pour envahir le pays. Il faut le craindre ou alors soutenir clandestinement la dictature en place. Ça, il faut. Bon, c'est pourquoi nous avons toujours dénoncé la nature de ces conventions et codes miniers dans leur forme juridique, parce que en fait la Guinée ne profite pas de ses ressources minières, ça il faut le reconnaître. Donc ça, tout ça a relevé à un moment donné d'une espèce d'affairisme dans le cadre de la mauvaise gouvernance qui gravitait autour du pouvoir des personnes, des parents, des amis et autres escrocs qui ont toujours gravité autour de pouvoir. Bon, mais lorsque ce jeune capitaine est venu, il a dénoncé surtout, parce que là, il nous a pris de vitesse. Tous les maux que nous avons dénoncés en 2007, en tant que mouvement social, syndicat, et qui qui ont fait l'objet de mise en place de commissions de travail, d'experts, bon, ont été repris par lui. Nous avons estimé qu'il était au sérieux, nous avons cru qu'il était au sérieux alors que c'était de la parade. Donc aujourd'hui, il faut aller vite pour ne pas que les malins pensent à de telles choses en rapport avec les puissances, en rapport avec les multinationales, pour inverser la tendance. Ça, vous avez raison de poser cette question. Et je crois que nous serons extrêmement vigilants. Nous serons extrêmement vigilants parce qu'aujourd'hui, il y a même des militaires qu'on a nommés à la tête de sociétés minières, ce qui est inadmissible. Quand vous prenez l'administration, elle est complètement militarisée, tant au plan régional qu'au plan local. Toutes les administrations sont dirigées par des militaires. Donc il faut craindre que les militaires n'aient l'esprit d'envoyer des militaires ou alors de passer des accords avec des multinationales qui n'engagent pas absolument leurs États. Une multinationale française peut ne pas engager l'État français. Donc il faut aller vite pour éviter que l'État ne se retourne autour, ne se resserre autour de cette question-là. Oui. Parce que là, ils sont vraiment, ils sont agacés, ils sont coincés jusqu'à leur dernier retranchement. D'accord. Bon, alors la touche d'espoir, car il faut en avoir une, c'est qu'il y a encore plus de pression extérieure pour soutenir la société civile guinéenne. Bon, oui, nous continuons à espérer que cette pression, même si ça se limitait à cette pression-là, pourvu qu'elle ne baisse pas, avec ça, une solution sera trouvée, c'est sûr. Parce qu'à l'intérieur, c'est à l'intérieur qu'il faut refermer l'étau, parce qu'aujourd'hui, la communauté internationale nous regarde. Il y a un adage chez nous qui dit que lorsqu'on te lave le dos, il faut laver, faut te laver le ventre. Donc nous allons nous organiser davantage pour qu'à l'intérieur, ça ne pète, ça ne casse pas. Voilà. Mais avec la position actuelle de la communauté internationale, il y a vraiment de l'espoir que nous allons nous départir de cette dictature. Parce que si, par malheur, nous avons la malchance d'organiser des élections avec ces gens-là, parce que même si aujourd'hui Dadis ne se présentait pas à de prochaines élections, mais il va avoir un candidat en poche pour sa propre sécurité. Il va avoir un candidat en poche et ça reviendrait au même. Donc il faut qu'il se retire complètement et qu'un gouvernement d'union nationale de transition soit mis en place, dirigé par une personnalité de la société civile neutre. Il y a même des rumeurs qui circulent autour de Robert Sarra, qui a été archevêque de Conakry, qui est actuellement cardinal au Vatican, jusqu'à chargé de la Congrégation des Nations, bon, quelque chose de ce genre. Mais il nous faut une personnalité neutre pour, sous l'égide de laquelle ces élections vont s'organiser. D'accord. Merci beaucoup de ce témoignage. Merci.